connexion, l'homme est habituant, Mr. Couronnes, depuis Philippe. C'est comme ça que tu te lèves un matin, tu ne sais rien, mais tu verras le featuring dans ton téléviseur. Tes parents ne savent pas encore, mais ils seront surpris, ils nous verront tous dans le rétroviseur. Lève la tête et viens suivre un peu. Qu'est-ce que tu peux, est-ce que tu vois, est-ce que tu as. C'est pour la raison là qu'on va mettre un peu le feu et tu le sais. Lâche de vie, c'est quoi ton vœu. On peut vous voir dans la vibe, dans un featuring, balancer ton dîner sur la rythmique. C'est comme un match de foot, on use que de la technique, c'est parti que tout le monde use de sa tactique. Elle touche comme un tic-tac, écoute que mon clic-clac, ça c'est mon hit-hat. Elle est dans un cul-de-sac, mais si ça suffit pas, please rentre dans le style, n'hésite pas, faut pas que ça casse, mais faut que ça passe. Touche comme un tic-tac, écoute que mon clic-clac, ça c'est mon hit-hat. Elle est dans un cul-de-sac, mais si ça suffit pas, please rentre dans le style, n'hésite pas, faut pas que ça casse, mais faut que ça passe. Claudicia, à mon père me fait que. Attachez vos ceintures, ça va décoller. Un bonhomme ça qui est prêt à traverser. Debout tous les, on va décoller. Un bonhomme ça, mougou mougou ça. Attachez vos ceintures, ça va décoller. Un bonhomme ça, à traverser. Debout tous les, on va décoller. Devant tu nous verras tous par the sky. De la vibe on en a et l'été comme l'hiver. Tu sentiras que t'es sur les rails. Pas la peine de le montrer, prends la peine de rentrer. Mais c'était la peur de rentrer, on me prend la peine de le chanter. C'était la peur de le chanter, prends la peine de le danser. Et c'était la peur de le danser, on me prend la peine de bouger. Elle touche comme un tic-tac, écoute que mon clic-clac. Ça c'est mon hit-hat, t'étais dans un cul-de-sac. Mais si ça suffit pas, please rentre dans le style. N'hésite pas, faut pas que ça casse, mais faut que ça passe. Touche comme un tic-tac, écoute que mon clic-clac. Ça c'est mon hit-hat, t'étais dans un cul-de-sac. Mais si ça suffit pas, please rentre dans le style. N'hésite pas, faut pas que ça casse, mais faut que ça passe. Yeah! Attachez vos ceintures, ça va décoller. Un bonhomme ça qui est prêt à traverser. Debout tous les, on va décoller. Un bonhomme ça, mougou mougou ça. Attachez vos ceintures, ça va décoller. Un bonhomme ça, à traverser. Debout tous les, on va décoller. Papa François Cognan, Serge Willy, Christian Gomis. Sur ce beat, une fois de plus, je déménage en mélodie. Mélodie de joie et de gaieté, alors je nous dis ça te dit. Pas la peine d'être stupéfié, car tu n'attends que parler de Couronnes. Featuring Baby Philippe, bien évidemment, sur une zigue qui blesse. Il est, dans un mouton, là-bas, dans un mouton, là-bas, dans un mouton, là-bas, Amena donke kwedele. Tosa mutala ba tosa mutukula ba tosa mukwedele. Amena donke kwedele. Akashe ko senti sa ba de kwedele. Tamba dam sa ke pro tamba dam sa de mutule. O ba de kwedele. Tamba dam sa mugu mugu sa. Akashe ko senti sa ba de kwedele. Tamba dam sa atra dam sa de mutule. O ba de kwedele. DJ Romaric, les mains en l'air tout le monde. DJ Poupée, Bas Bruno, les filles, attrapez ça. Attrapez-moi ça. FB, Challenge Entertainment. Lieutenant Vecchio, DJ Johnny. Attrapez ça. Blanchard confie tous les gars. Touche comme un tic-tac, écoute bien mon clic-clac. Ça c'est mon hit-hat, t'étais dans un cul-de-sac. Mais si ça suffit pas, please rentre dans le style. N'hésite pas, faut pas que ça casse, mais faut que ça passe. Touche comme un tic-tac, écoute bien mon clic-clac. Ça c'est mon hit-hat, t'étais dans un cul-de-sac. Mais si ça suffit pas, please rentre dans le style. N'hésite pas, faut pas que ça casse, mais faut que ça passe. Attachez vos ceintures, ça va décoller.